Là je vais rapper comme je parle. Regarde autour de nous. Là je vais rapper comme je pense. Sans artifice. Regarde, de nos jours, on paye le prix. On marche au pas, on fout les deux doigts dans la prise. Quoi que t'en dises, et quoi que t'en penses, prends soin de ta vie, c'est pas un film. Tu piges, je fais pas la morale. J'ai rien vécu de plus que toi. Juste après la pluie survient l'orage. Réduis les risques, ouais, écoute mon message. N'accélère pas dans les virages. Prends de l'âge et rapproche-toi de la sagesse. La vie est dure, ne rate pas la marche. Même si t'en as marre, même si t'as trop mal. L'amour est pur, mais reste dur, c'est dans sa nature. J'écris sans rature, je fais pas ça pour la thune. Je sais qu'il n'y a pas que l'herbe qui se fume. Je sais que de nos jours les temps sont durs. Mais j'essaie de garder les pieds sur terre avant qu'on la consume. Au pire, prends mes récits comme une farce et dire que face à la nature c'est dur à croire. Qu'on se réveillera trop tard, que tôt ou tard nos traces feront mal, c'est sûr, c'est pur. Comme l'amour d'un enfant, le temps d'un instant. Comme la pierre, mon cœur est dur, c'est sûr. C'est une histoire sans fin, le style d'histoire qui finit pas ou qui finit mal. Voir les gens, y a pas assez de merde autour de nous. On fout les pieds dedans, puis des vautours nous tournent autour. Moi je peux pas souffrir dans l'effort, coca pleine dans la vie est belle. On ne joue plus avec les mêmes potes. Tellement c'est dur, y a pas que chez vous que tes frères partent. Là j'enterre le rap sale, j't'envoie des faire part. Ça prolifère trop, j'diffère des bails sérieux. Mon seul désir à ce jour, c'est de garder les crocs. Oubliez vos phobies et gardez votre rage. Combattre sa peur est la meilleure forme de courage. Faut en prendre conscience, avancer dans le bon sens. On a tous un bon fond, disons que c'est depuis la naissance. J'dis ça, car là j'ai rappé comme je parle. J'dis ça, comme dans les blancs des yeux je vous parle. Car c'est tout simple, faut faire ce qu'on aime avec plaisir. Et se dire que c'est une histoire sans fin. Au pire, prends mes récits comme une farce et dire que face à la nature c'est dur à croire. Qu'on se réveillera trop tard, que tôt ou tard nos traces feront mal, c'est sûr, c'est pur. Comme l'amour d'un enfant, le temps d'un instant. Comme la pierre, mon cœur est dur, c'est sûr. C'est une histoire sans fin, le style d'histoire qui finit pas ou qui finit mal. Au fil du temps, on apprend de la vie, on prend de l'âge, de la bouteille. On se méfie pas de ce qui nous arrive. On tourne parfois en rond, on se fait du mal. Et puis, on se nique la santé par les narines. On contrôle plus notre instinct animal. On lutte plus contre leur loi radicale. Y'a pas d'égal à l'amour que te porte ton gosse. À être artiste parce que tu sais, quand tu dors on bosse. On impose le respect au moins pour l'effort qu'on donne. Chez nous c'est comme dans un match, c'est le fair play qu'on prône. Alors on va les faire descendre du trône. Et si la seule chose de royal c'est la musique, car elle est bonne et c'est la reine. Pour faire du bien dans toutes vos têtes, c'est elle qui règne. Pour mettre de l'ambiance dans vos fêtes. Donc pour ça, sans fin j'écrirai des histoires. Même si dans l'étreinte j'ai perdu beaucoup d'espoir. Au pire, prends mes récits comme une farce et dire que face à la nature c'est dur à croire. Qu'on se réveillera trop tard, que tôt ou tard nos traces feront mal, c'est sûr, c'est pur. Comme l'amour d'un enfant, le temps d'un instant. Comme la pierre, mon cœur est dur, c'est sûr. C'est une histoire sans fin, le style d'histoire qui finit pas ou qui finit mal. Au pire, prends mes récits comme une farce et dire que face à la nature c'est dur à croire. Qu'on se réveillera trop tard, que tôt ou tard nos traces feront mal, c'est sûr, c'est pur. Comme l'amour d'un enfant, le temps d'un instant. Comme la pierre, mon cœur est dur, c'est sûr. C'est une histoire sans fin, le style d'histoire qui finit pas ou qui finit mal.